Chapitre 22e. 9 heures sonnaient à la mairie de la rue d'Anjou, quand le colonel descendit de voiture à la porte de la maison de la rue de Suresnes, qui l'avait été indiquée par Gaston. Cette maison, qui était une vieille et mauvaise masure, comme il s'en trouve plusieurs dans cette rue, était occupée par un marchand de fourrage et, avant d'entrer, on respirait une odeur de paille et de foin. Un domestique, celui de Gaston, se tenait sous la porte cochère, pour recevoir les invités de son maître et les introduire dans la salle où devait se livrer le combat des rats contre la célèbre Betsy et contre The Hangman, plus célèbre encore. On arrivait à cette salle en descendant les marches d'un escalier tournant, car c'était en réalité une vaste cave voûtée qui avait été tant bien que mal disposée pour le combat. Sur le sol, on avait répandu du sable jaune, et le long des murs, verdis par l'humidité, on avait accroché des lampes qui jetaient dans toute la cave une vive clarté. Au milieu de cette pièce, on avait construit une sorte d'arène, comme celle qui se voit dans les cirques. Elle était en planches bien jointes, d'une hauteur de 3 pieds à peu près, se terminant par un grillage en fil de fer qui la couvrait comme un couvercle, destiné à empêcher les rats de s'échapper par quelques bonds désespérés. En se penchant par-dessus ce grillage, les spectateurs pouvaient suivre toutes les péripéties du combat, sans craindre qu'un rat leur sautât la figure ou leur mordît les jambes. « N'est-ce pas que mon cirque est bien disposé ?» dit Pompérant en venant au devant du colonel, très joliment. « Le méauté n'est pas encore arrivé, mais il viendra certainement. Madame de Lucilière viendra aussi. » Les personnes avec lesquelles le colonel s'était rencontré chez Raphaël s'approchèrent pour lui serrer la main, et Gaston le présenta à celle qu'il voyait pour la première fois. La conversation continua, roulant sur les courses de la veille. On regretta que le colonel n'eût pas assisté. « Très jolie course. »« Mais qu'ont donc les chevaux de Lucilière, ils ne vont pas. » »« Le marquis veut faire un coup. » »« Lequel ? » ?»« Si je le savais, je garderai le secret pour moi, et j'en profiterai. » Puis tout à coup, l'entretien tourna d'un autre côté. « Devinez d'où je reviens ?» dit un nouvel arrivant, de Pontoise. « Quelle bêtise ! Je viens de la gare de Lyon, où j'ai mis Hauteverne en wagon. Il va à Rome, rejoindre les zouaves pontificaux. » Et ce fut un feu croisé d'exclamations, de dénégations, d'explications. Au moment où on abolit la contrainte par corps, en voilà une idée. « Est-ce que Madame de Blosseville ira passer l'hiver à Rome ?»« Pour moi !» dit d'une voix ronflante un vieux beau qui se tenait roide, la taille serrée dans une redingote courte. J'approuve d'Hauteverne et trouve sa détermination digne d'éloge. Parce que vous avez dépassé l'âge où l'on se fait zouave pontificale. Non, messieurs, mais tout simplement parce que d'Hauteverne me donne un exemple que je voudrais voir suivre. Où allons-nous si nous ne nous groupons pas autour du trône pontifical? À la ruine, à la révolution. Doya a raison. Personne ne dit qu'il a tort. Non. Seulement, il ne faut pas s'exagérer la puissance de Garibaldi, c'est un fantoche. À ce moment, on entendit une voix claire retentir dans l'escalier. C'était Madame de Lucilière qui annonçait son arrivée. Elle entra dans la cave comme un tourbillon, en riant aux éclats. « C'est une descente aux enfers, » dit-elle à Gaston en lui tendant la main. Le colonel, n'étant pas au premier rang, put la regarder attentivement pendant qu'elle répondait à ceux qui s'empressaient près d'elle. C'était une femme de 26 à 28 ans, plutôt jolie que belle, grande et mince, qui dans sa démarche avait les mouvements légers et gracieux d'un oiseau. Son teint pâle avait de l'éclat. La tenue, le geste, la voix, le regard qu'elle jetait sur ceux à qui elle adressait un mot, tout en elle affirmait la puissance d'une femme habituée à être traitée en souveraine. Avec cela un air de noblesse et de distinction. Mais ce qui formait un contraste bizarre avec cette distinction, c'était sa façon de s'exprimer. Quelqu'un qui eût fermé les yeux et n'eût écouté que ses paroles, sans avoir égard au timbre de la voix, aurait pu croire que c'était un homme qui causait joyeusement avec d'autres hommes, et surtout librement, en un langage plus que familier. Mais le colonel n'eut pas le temps de pousser bien loin son examen. Gaston va le chercher pour le présenter à la marquise, qui daigna elle-même faire quelques pas au-devant de lui. Cette présentation se fit sans aucune cérémonie, au moins de la part de la marquise qui tendit la main au colonel. « Eh bien, dit-elle, s'adressant à Gaston, est-ce que cette petite fête ne va pas commencer ?»« Sapristi, mon cher, ne nous faites pas droguer. Je n'attends plus que le méauté. Tiens, Vous l'avez invitée. Elle est bien bonne. Il m'a gagné hier 100 louis avec son patricien. Si je pouvais les lui rattraper, ce serait assez drôle. » Le magistrat ne se fit pas longtemps attendre et presque aussitôt le colonel vit entrer dans la cave celui pour lequel il était venu à cette réunion. « Mon ami, le colonel Chamberlain, dit Gaston, monsieur le méauté, qui pourra, s'il le veut bien, mon cher Édouard, vous apprendre des choses fort curieuses sur ce Paris que vous ne connaissez pas. » Puis, les ayant mis en rapport, il s'occupa de sa petite fête. Tandis que deux hommes apportaient une caisse grillée dans laquelle grouillaient des rats, il sortit un moment et revint bientôt tenant dans ses bras un petit boule terrier au pelage tout blanc. Il le prit par la peau du cou et l'élevant à la hauteur de la tête. « Voici Betsy, » dit-il. On s'empressa autour de lui pour voir de près la célèbre Betsy. C'était une bête de petite taille, avec une tête énorme, un museau écrasé, au-dessous duquel s'avançait la mâchoire inférieure, dont les crocs faisaient saillie. En tout, un horrible animal, dont la physionomie basse et méchante était relevée seulement par le courage qui se montrait dans ses yeux sanglants. Pendant que ceux qui avaient des connaissances techniques et spéciales discutaient la forme de la chienne, les hommes de service avaient fait glisser le fouet à coulisses de la boîte grillée et les rats étaient tombés dans l'arène, étourdis, ahuris. « Il fallait laisser se remettre, » dit une voix. « Comme vous voudrez, » répondit Gaston qui avait peine à retenir sa chienne. « Seulement Betsy sans les rats, elle va m'échapper. » Dans l'arène, les rats couraient à çà et là, éperdus, se cognant, se mordant les uns les autres. Leurs longues queues traçaient sur le sable fin des festons fantastiques. Pensant à son affaire bien plus qu'à la bataille qui allait se livrer, le colonel s'était placé auprès du juge, mais celui-ci n'était pas en disposition de parler d'autre chose que de cette bataille. « Il y a 50 rats, » dit Gaston. « Regardez l'heure. Dans 20 minutes, il n'en restera pas un seul en vie. » Alors, prenant la chaîne par la peau de l'échine, il la laissa tomber dans l'arène. Poussant 2 ou 3 hurlements rauques, Betsy ne prit pas le temps de se reconnaître. D'un bond, elle fondit sur un groupe de rats qui se trouvait à sa portée. Ceux-ci n'attendirent pas l'attaque de la chaîne, mais lui tournant le dos, ils cherchèrent leur salut dans la fuite. Où fuir ? Partout devant eux se dressait l'enceinte circulaire de l'arène. Quelques-uns espérèrent s'échapper en sautant par-dessus, mais ils vinrent frapper de la tête contre le grillage qui, faisant tremplin, les rejeta rudement sur le sable. Pendant ce temps, Betsy continuait sa course autour de l'arène. Elle roulait comme une boule blanche au milieu de cette fourmilière noire, ne s'arrêtant pas pour mordre et laissant derrière elle éventrer ceux qu'elle avait pu attraper. Les rats, ayant sans doute compris que la fuite était impossible, voulurent enfin faire tête à leur ennemi. Ils se massèrent et se retournèrent. Mais Betsy passa à travers leur groupe comme l'eût fait un boulet de canon. Cependant, ce ne fut pas sans blessure. Deux rats lui sautèrent au cou et d'autres se cramponnèrent à ses flancs et à ses pattes. Sa robe blanche se marbra de plaques rouges. Le moment décisif était arrivé. « Bravo, Betsy !» cria Gaston. « Tiens bon, hip hip !» Allait-elle se débarrasser des ennemis qui s'étaient jetés sur elle et qui la rongeaient? Tout le monde était penché au-dessus du grillage. « Qui veut les rats ?» dit la marquise. « Je prends la chienne. Sans lui, pour la chienne à égalité. » Personne ne répondit, mais on regarda l'heure. 12 minutes s'étaient écoulées. Il restait encore plus de 25 rats en vie. « Eh bien, messieurs, » continua la marquise, « personne ne veut des rats ?» Le colonel crut devoir intervenir. « 100 louis contre Betsy, » dit-il. Sans se préoccuper des rats qui la tenaient, la chienne mordait à droite et à gauche ceux qui se pressaient autour d'elle. À chaque coup de croc, on entendait les os craquer. Elle ouvrait et fermait la mâchoire régulièrement comme une machine. Bientôt, elle put se retourner et casser les reins à ceux qui s'étaient attachés à ses flancs. Cependant, ceux qui la tenaient au cou n'avait pas lâché prise. Alors elle se coucha sur le sable et, pesant de tout son poids du côté gauche, elle se débarrassa de ce côté. Puis, répétant la même tactique, elle força celui qui la tenait à droite à se détacher et vivement lui broya la tête. Il n'en restait plus que 3 rats affolés. Elle se jeta dessus et en moins d'une minute, ils roulèrent sur le sable, le ventre ouvert. Alors, se campant sur son derrière, elle poussa quelques aboiements de triomphe. Elle était horrible à voir, pleine de sang et de sable, le museau déchiqueté, la peau crevée à 20 endroits. On l'applaudit furieusement. Naturellement, il y eut un moment de repos, mais les esprits étaient trop surexcités pour que le colonel pût engager l'entretien qu'il désirait avoir avec le juge. D'ailleurs, il avait à payer le pari qu'il avait perdu contre Madame de Lucilière. Celle-ci paraissait radieuse. Elle riait et parlait à haute voix, adressant un mot et un sourire à chacun. « Mon cher colonel, dit-elle, vous êtes un brave. Sans vous, je ne faisais rien. Trop sages, ces messieurs. Ils ne veulent parier qu'à coup sûr. » Puis, caressant la chaîne, malgré les souillures dont celle-ci était couverte, « Bravo, la petite bête, dit-elle. » « Et l'entraîneur, ne l'applaudirez-vous pas ? » dit une voix. « Car cette savante férocité est le produit de l'éducation. » On discuta sur l'éducation que Gaston avait donnée à ses chiens. « Voulez-vous faire une expérience curieuse ? » dit la marquise. « J'ai à la campagne un furet que mon garde prétend être féroce pour les rats. Je le ferai venir, et nous le comparons au chien de Gaston. Voulez-vous venir vendredi prochain ?»« Oui, vendredi, » s'écria-t-on. Mais Doya se pencha à l'oreille de la marquise. « Pas vendredi, » dit-elle. « Je n'avais pas pensé tout d'abord que c'est vendredi saint. »« C'est juste, » dirent plusieurs voix. « Alors mardi, mais dans la journée. »« Monsieur le colonel, j'espère que vous me ferez l'amitié d'être des nôtres. »